La semaine dernière, à la dernière conférence générale, j'ai commencé à expliquer, et comme je ne peux pas répéter, mais il faut que je continue, je vais aller plus loin dans une dimension plus abstraite du phénomène de la micro-société. Je vais parler de la mutation de l'homme en relation avec la micro-société. Le phénomène de mutation, c'est très, très incompris sur notre planète. Et les travaux qui ont été faits dans ce domaine-là, qui ont été exprimés par des ésotéristes ou des occultistes, sont des travaux qui sont très, très, de beaucoup reliés à un état ou une attitude spirituelle. Le phénomène de mutation du mental est extrêmement important pour l'homme. Et quand je parle de la mutation du mental, je veux dire que il doit se faire une connexion énergétique entre le cerveau humain par le biais du mental et les forces qui sont dans les sphères très élevées de l'éther, qu'on appelle les forces de la hiérarchie. Et dans le développement de la micro-société, la mutation est fondamentale parce que la mutation fait partie de l'intelligence de la micro-société. L'homme ne peut pas construire une micro-société sans avoir vécu une certaine mutation. C'est-à-dire sans que l'homme n'ait pu atteindre un certain niveau d'intelligence, une intelligence suffisante, lui permettant de comprendre les mécanismes extrêmement voilés et souvent très occultes de la création de cette micro-société qui un jour deviendra une société anonyme. La micro-société aujourd'hui est physique, elle est physicalisée, elle sera physicalisée dans les années qui viennent, mais éventuellement elle deviendra anonyme. C'est-à-dire qu'éventuellement, la micro-société n'aura aucune appartenance du tout au système social à l'intérieur duquel nous vivons aujourd'hui. Et le passage de la micro-société à la société anonyme, c'est un passage qui va prendre un certain nombre d'années, voire quelques générations. Et ce passage ne sera pas nécessairement facile pour les hommes qui feront partie de la micro-société. Parce qu'à l'intérieur de la micro-société, le travail de mutation continuera. Et éventuellement, la société anonyme sera la première manifestation du pouvoir de mutation chez l'homme. Et à ce moment-là, la micro-société sera dissoute dans ses structures et l'homme vivra en fonction d'autres dimensionnalités de son expérience mentale qui ne peuvent pas aujourd'hui être trop expliquées parce qu'elles sont beaucoup trop abstraites pour le cerveau humain. Dans le phénomène de mutation, il existe une condition fondamentale. Et cette condition fondamentale, est reliée à l'appointement direct. Un appointement direct entre l'intelligence humaine et l'intelligence des sphères dans les éthers de l'éther, qu'on appelle la hiérarchie. L'homme, un jour, doit avoir subi une mutation suffisante de son cerveau pour ne plus avoir ou ne plus être capable de connaître sa vie mentale telle qu'il la connaît aujourd'hui. La vie mentale de l'homme telle qu'il la connaît aujourd'hui fait partie de sa personnalité et elle ne peut pas créer cette vie mentale. Elle peut juxtaposer des conditions psychologiques. Elle peut juxtaposer des formes pour lui permettre d'inventer certaines conditions qui font déjà partie de sa mémoire ou de son expérience. Mais elle est incapable, elle est impuissante à créer une condition sociale. Une condition sociale expérimentale, mais qui éventuellement doit se greffer à une condition sociale anonyme, occulte, invisible, hermétique pour l'homme de demain. De sorte que dans la mutation, dans le processus de mutation, l'individu doit un jour en arriver à ne plus avoir besoin de point de référence. Et c'est justement sur cette base que je veux commencer à parler aujourd'hui. Les points de référence qui sont donnés dans une instruction planétaire à l'homme sont des points de référence lui permettant éventuellement de sortir de sa psychologie. Les points de référence sont suffisamment nés de l'intelligence pure pour permettre à l'homme de considérer des possibilités d'extrapolation psychologique vis-à-vis sa vie mentale, de sorte que l'homme en arrive éventuellement à être capable de prendre connaissance suffisante d'une intelligence en lui qui fait partie d'un domaine très vaste de son esprit et qui permet à l'homme, à cet homme, de se diviser en deux pendant qu'il est encore dans la matière. Les points de référence donnés à l'homme dans une instruction planétaire ont la fonction de diviser, de scinder l'homme en deux, c'est-à-dire de permettre que la partie existentielle de l'homme, fondée sur la mémoire, les expériences émotives et mentales, soit se séparer complètement, éventuellement, d'une autre partie de lui qui fait partie de sa conscience et de sa présence dans l'éther, mais sans avoir accès à la mémoire de son corps matériel. Autrement dit, ce qui empêche l'homme d'être dans l'éther, c'est que l'homme n'a pas dans l'éther, l'homme conscient n'a pas la mémoire de son corps matériel. Lorsque l'homme aura la mémoire de son corps matériel, il sera automatiquement dans l'éther. Tant que l'homme n'a pas la mémoire de son corps matériel, il est simplement en esprit dans l'éther. Et étant en esprit dans l'éther, il n'a pas conscience de sa présence dans l'éther. Donc, la seule façon pour lui d'avoir présence de sa conscience éthérique, c'est par le mental supérieur. Mais pour qu'il ait conscience de sa présence dans l'éther par le biais du mental supérieur, il faut que déjà il ait suffisamment perdu le besoin de se justifier égoïquement en fonction de son intelligence ordinaire, de son intelligence normale ou de son intelligence égoïque, égocentrique ou subjective. Il faut qu'il perde de l'intelligence subjective pour prendre conscience de son intelligence objective qui, avec le temps, créera la mutation. Et la mutation, qu'est-ce que c'est? C'est de pouvoir éventuellement, à cause de cette intelligence supérieure, apporter dans l'éther la mémoire de son corps matériel pour qu'il puisse, à ce moment-là, prendre conscience dans l'éther de son être matériel, mais spiritualisé. Je vous donne un exemple là, pour un peu vous conférer ce que je veux dire. Quand vous êtes en sommeil et que vous dormez, vous avez dans le sommeil mémoire de votre corps matériel. Et c'est le fait que vous avez mémoire de votre corps matériel dans le sommeil qui vous permet de vous identifier dans le sommeil. Souvent, vous n'aurez pas mémoire de votre corps matériel d'une façon objective, c'est-à-dire que vous serez ici, quelque part dans le sommeil, vous saurez que c'est vous qui êtes en action, mais vous ne pourrez pas voir votre corps. Mais vous avez suffisamment de mémoire de votre corps matériel pour avoir l'impression dans le sommeil d'être là. Et cette impression étant suffisante pour être là, peut aussi vous donner la connexion avec votre corps éthérique le lendemain matin pour que vous vous rappeliez votre expérience dans le sommeil, pour qu'elle soit réellement concrète. Le phénomène éthérique est un peu la même chose. Dans l'éther, il faut que l'homme ait la mémoire de son corps matériel pour qu'il puisse prendre conscience de l'éther. S'il n'a pas de mémoire de son corps matériel dans l'éther, il ne peut pas prendre conscience. Et c'est pourquoi les hommes sont inconscients. Autrement dit, les hommes n'ont pas accès à l'éther parce qu'ils n'ont pas la mémoire de leur corps matériel dans l'éther, mais dans le rêve ou dans l'astral, ils ont suffisamment conscience de leur forme matérielle, de sorte qu'ils peuvent prendre conscience de leur rêve. Et c'est le fait que l'homme a conscience donc de son corps, qu'il a conscience de sa mémoire ou qu'il a mémoire de son corps matériel dans le rêve qui lui permet de rêver. Mais rêver pour l'homme, ce n'est pas assez. Parce que rêver, c'est assujettir son esprit à son périsprit, c'est-à-dire que rêver, c'est assujettir son intelligence réelle à la mémoire émotive et mentale qui est vécue par lui dans sa conscience matérielle durant le jour. Lorsque l'homme n'aura plus besoin ou sera capable d'être dans le rêve et de ne plus avoir besoin de la mémoire mentale et émotive de son expérience dans le jour, ajoutée à la mémoire de son corps matériel, il sera dans l'éther. Autrement dit, être dans l'éther, c'est être dans le rêve sans la mémoire émotive et mentale de son expérience, de sa conscience expérimentale. Alors à ce moment-là, l'homme se retrouvera dans l'éther, il aura conscience de son corps matériel et ayant conscience de son corps matériel à cause de la mémoire qu'il aura de son corps matériel, il pourra commencer à s'identifier dans l'éther. Et lorsque l'homme s'identifiera dans l'éther, il sera dedans. J'explique ceci pour faire comprendre éventuellement l'évolution de la micro-société vers la société anonyme. Un jour, la micro-société évoluera vers une autre dimensionnalité de société qui sera une société anonyme. Mais la micro-société deviendra anonyme lorsque l'homme, aura pris conscience de son corps matériel dans les terres, qu'il aura la mémoire de son corps matériel dans les terres. À ce moment-là, se produira deux choses. L'homme commencera à diriger l'évolution de la micro-société. Et c'est en dirigeant l'évolution de la micro-société à partir de la conscience de la mémoire de son corps matériel dans les terres que l'homme pourra rendre la micro-société éventuellement totalement anonyme, c'est-à-dire lui enlever l'idimensionnalité psychologique qui rendrait cette micro vulnérable en fonction du système social existant extérieur. Autrement dit, l'homme ne peut pas créer une société secrète. C'est impossible de créer une société secrète. Pour créer une société secrète, il faut être dans les terres. Une fois dans les terres, l'homme crée une société secrète parce qu'une fois dans les terres, il sera suffisamment près de son intelligence et il aura la capacité d'incorporer son intelligence à une forme qui sera la mémoire de son corps matériel pour avoir dans les terres la dimensionnalité exacte de son rapport avec la micro-société physique sur le plan matériel, de sorte qu'il pourra contrôler directement, parfaitement, les agissements de la micro-société et en comprendre tous les aspects. Et à ce moment-là, commencera à se former dans les terres ce qu'on appelle la dimension invisible de la micro-société, ce qui sera la société anonyme. La société anonyme contrôlera l'évolution de la micro-société matérielle. C'est à cause de cette connexion entre la micro-société dont nous parlons aujourd'hui vis-à-vis la société anonyme que nous connaîtrons demain que l'homme doit comprendre le phénomène de mutation. Le phénomène de mutation, c'est un phénomène de connexion. C'est un phénomène d'ajustement vibratoire, énergétique entre des forces qui sont dans les terres, mais sur des sphères extrêmement élevées comparées à la sphère que l'homme connaîtra. Et la connexion entre ces forces et le cerveau humain. Et dans l'instruction que reçoit l'homme sur le plan matériel, il y a des aspects de cette instruction qui ne sont pas réalisables ou rendus logiques par sa conscience inférieure. Autrement dit, des aspects qui doivent être totalement dépassés parce que l'émotivité de la conscience inférieure doit être dépassée pour que la connexion se fasse. Et c'est ceci la mutation. Dans le phénomène de mutation, l'homme ne peut pas être coincé entre ce que lui considère comme étant plausible et ce qui doit être fait dans le processus de mutation, autrement dit, ce qui doit être expérimenté dans le processus de connexion entre ses neurones et les forces qui existent dans les sphères de l'éthérique. De sorte que l'homme qui mute, éventuellement, doit arriver à une crise suffisamment aiguë pour qu'il y ait un déchirement en lui, déchirement suffisamment aigu pour qu'il puisse ne plus être ce qu'il était auparavant. Et tant que l'homme n'est pas arrivé au stade où il ne puisse être ce qu'il était auparavant, il n'a pas commencé la mutation. Il est encore en voie de spiritualisation mentale. La spiritualisation mentale étant un aspect de son évolution à l'intérieur d'une certaine période de temps qui un jour devra être totalement changée, altérée, transformée pour qu'il n'y ait plus de lien entre sa spiritualité et le développement de son intelligence. Parce que la spiritualité peut faire énormément de dommages à la fois à la conscience humaine et aussi à la conscience planétaire de l'homme et aussi à l'organisation intelligente de la micro-société. Parce que la spiritualité est une qualité inférieure de l'esprit humain et elle fait partie de l'ignorance de l'homme et elle n'a pas de sens dans l'orientation de l'évolution humaine. Elle n'a de sens que dans l'évolution spirituelle de l'humanité. Donc, lorsque l'homme commence à être homme, autrement dit, lorsque l'homme va d'un stage de conscience à un stage supérieur, lorsque l'homme commence à prendre possession de son intelligence en fonction du développement de sa mémoire, automatiquement de la mémoire de son corps physique sur le plan éthérique, il ne peut pas vivre sa conscience à l'intérieur d'une condition qui reflète, à quelque niveau que ce soit, un attachement avec sa personnalité ancienne. De sorte que l'homme doit être scindé en deux et l'homme doit être capable pendant un certain nombre d'années de vivre deux personnalités à la fois. Pour que l'homme puisse vivre deux personnalités à la fois, il faut qu'il devienne conscient des lois d'impression. Les lois d'impression étant ces lois qui permettent à l'homme, d'un côté de son expérience, de réaliser certaines choses, et d'un autre côté de son expérience, de ne pas pouvoir parfaitement expliquer ce qu'il réalise. Ceci crée une scission dans sa personnalité et ceci crée les conditions nécessaires pour que se fasse la connexion entre les sphères qui sont hiérarchique et dans l'éthérique et son cerveau, afin de créer dans l'éther la mémoire de son corps matériel. La mémoire du corps matériel, elle est très importante, parce que la mémoire du corps matériel, elle est la construction énergétique et atomique de ces cellules matérielles. De sorte que lorsque la construction atomique, électrique, chimique des cellules matérielles de l'homme est suffisamment avancée, il commence naturellement à prendre mémoire de son corps matériel dans l'éther, et il commence à être dans l'éther. Et ceci ne peut pas se faire tant qu'il n'a pas vécu la séparation, la dichotomie de sa personnalité, c'est-à-dire la partie expérimentale de sa personnalité et la partie réelle de sa personnalité. Éventuellement, il faut que la partie réelle de la personnalité soit suffisamment puissante, suffisamment forte, autrement dit suffisamment créative, pour éteindre complètement l'ancienne personnalité. Mais pendant la période que se fait ce travail, l'homme vit entre deux mondes. Et le fait qu'il vit entre deux mondes, il n'est pas bien parfaitement dans sa peau. Le phénomène de mutation, tel que je l'explique, est très très différent du concept ou de la notion de mutation qu'offrent à l'homme certaines écoles ésotériques dans le monde. Le phénomène de mutation n'est pas ce que l'homme pense, il n'est pas ce que spirituellement les hommes osent espérer l'être. Le phénomène de mutation, c'est un phénomène de déchirement. Et il faut que l'homme qui mute soit déchiré. La déchirure est l'expression dans la matière du pouvoir de la hiérarchie dans les sphères de l'éther, de rapprocher et de faire monter sur un plan extrêmement subliminal l'énergie cellulaire du corps matériel pour qu'éventuellement ce corps matériel s'imprime dans l'éthérique et que l'homme en ait la mémoire. Alors, qu'est-ce que c'est la mutation? C'est le pouvoir de l'énergie de la lumière de lentement, au cours des années, de faire monter dans un plan supérieur la mémoire d'un corps physique solide, pour que l'homme, un jour, puisse s'identifier avec lui-même et reconnaître ses amis. C'est ça la mutation. Mais pour que l'homme mute, pour qu'il y ait mutation dans sa conscience, il faut qu'il perde une personnalité. Parce que la partie de lui-même qui donne à son corps matériel son importance, qui donne à son corps matériel sa permanence, qui assujettit son corps matériel à la gravité terrestre, planétaire, c'est sa conscience, c'est son inconscience. C'est cette partie de lui qui est faite du mental inférieur, de l'astral. Et cette partie de lui qui donne importance à son mental inférieur et à son astral, c'est sa personnalité. Donc, cette personnalité-là, cet aspect de lui qui, quand il est inconscient, est global, et qui, au fur et à mesure qu'il se conscientise, devient de plus en plus partiel, cette partie éventuellement doit être totalement déchirée pour que l'homme puisse commencer à vivre d'une autre personnalité dont il n'est pas conscient sur le plan matériel. Parce que la personnalité réelle, l'identité réelle de l'homme n'est en fait que la percée, que l'impression créée par sa conscience éthérique sur son corps mental, son corps émotionnel et son corps vital dans la matière. Autrement dit, éventuellement, l'homme prend la gestion de son activité matérielle à partir de l'éthérique, au lieu de vivre et de subir l'activité de sa personnalité matérielle sur un plan qui est totalement inférieur, qui est le plan matériel. Alors, pour que l'homme puisse prendre gestion de ses activités mentales, émotives, vitales et physiques à partir de l'éther, il faut qu'il y ait une scission, qu'il y ait une séparation, une dichotomie dans sa personnalité. Il faut qu'il perde totalement conscience de sa personnalité planétaire pour prendre éventuellement conscience de sa personnalité réelle, qui est dans l'éther, mais avec laquelle il ne peut pas encore s'identifier parce qu'il n'a pas la mémoire de son corps matériel, parce que la mutation n'est pas arrivée à son plein. Dans la formation de la micro-société, n'oubliez pas, quand je vous parle pour des années et vous ne comprendrez les mécanismes de la micro-société qu'au fur et à mesure que vous comprendrez vous-même. Autrement dit, l'homme comprendra la micro-société au fur et à mesure qu'il se comprendra lui-même, parce qu'il n'y a pas de séparation entre la micro-société et l'homme, comme il n'y a pas de séparation entre la société anonyme et l'homme. Autrement dit, la micro-société est à l'homme qui se conscientise ce que la société anonyme sera à l'homme éthérique demain. C'est une progression, la micro-société. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont l'impression que la micro-société est un système purement matériel dont la fonction est de sécuriser ses membres sur le plan matériel. Ce n'est pas la fonction de fond de la micro-société. La micro-société, sa fonction de fond est de permettre que des hommes sur le plan matériel puissent, d'une façon créative, sécuriser leurs relations entre eux. pour pouvoir, avec le temps, se dissocier de plus en plus facilement, parce qu'il y aura de plus en plus d'intelligence, des pressions extraordinaires de la société environnante sur leur personnalité, ce qui empêche qu'il y ait dédoublement du corps matériel, autrement dit, que l'éther reçoive l'impression de la forme du corps matériel dans son lieu. Ah, c'est ça la fonction du microsocial. Le microsocial ou la formation de la microsociété est aussi importante sur le plan énergétique, sur le plan de la mutation, que l'instruction peut l'être sur le plan psychologique de l'homme. Autant l'instruction transforme la psychologie de l'homme, tue l'ancienne psychologie et lui donne une nouvelle psychologie, autant la microsociété créera les conditions nécessaires pour que le physique, le corps matériel physique, s'imprime dans les couches éthériques de l'homme pour qu'un jour il puisse prendre conscience de son corps matériel dans l'éther et ensuite passer du stage de la microsociété au stage de la société anonyme. Il y a beaucoup de gens qui me viennent avec des plans ou des idées intéressantes, ainsi de suite, concernant la microsociété ou ce qu'on peut faire, ainsi de suite. Mais c'est très important que les gens, je ne demande pas ou je ne dis pas que les hommes ne doivent pas essayer de voir, de comprendre, de réaliser des aspects intuitifs de leur intelligence créative au fur et à mesure qu'ils avancent dans le temps. Je ne dis pas que ce n'est pas bon que les hommes me viennent et me disent, bon ben, j'ai pensé à telle chose ou il y a telle possibilité, ainsi de suite. Ce n'est pas là le point. Que les gens fassent ceci, c'est bon. Mais ce qui est important, c'est que les hommes réalisent que quoi que ce soit que nous fassions aujourd'hui, quoi que ce soit que nous entrevoyons comme étant une possibilité d'expression dans le matériel du microsocial, ça ne se fera jamais comme ça. Ça, c'est important. Autrement dit, ces aspects que vous convoitez, que vous voyez, que vous pouvez un peu sentir, font partie des formes qui contiennent de l'énergie pour vous faire actualiser une certaine énergie. Mais la fondation, la construction, le développement, l'évolution de la microsociété est totalement en dehors des mains de l'homme matériel. Elle sera construite en fonction de la partie éthérique de l'homme, selon les lois de l'éther et selon les lois du temps qui constituent la programmation des événements pour l'homme sur le plan matériel. C'est très difficile pour l'homme de comprendre ce que veut dire la mutation. Mutation ne veut pas dire simplement changement et transformation. Mutation veut dire appartenance à une nouvelle dimension. Mutation veut dire appartenance à une nouvelle dimension de vie. Mutation veut dire éventuellement séparation de la mort, séparation de la vie matérielle d'un éther pour entrer dans la vie réelle. L'homme n'a aucune idée de ce que veut dire la vie réelle. L'homme a une idée expérimentale, purement statistique, qui est en fonction de la perte d'activité des sens de ce que la mort est, mais il n'a pas d'idée qu'est-ce que c'est que la mort, bien qu'il puisse avoir une certaine relation avec l'esprit de la mort lorsqu'il va en astral. L'homme a une idée qui est purement sensorielle de la vie d'un éther, mais l'homme n'a pas d'idée de ce qu'est la vie. Alors, la mutation, c'est le mouvement entre les deux axes de la mort et de la vie pour aller vers un centre et les conditions d'expression de l'énergie dans l'homme, le contact entre l'homme, son cerveau, ses corps subtils et son corps matériel, et l'énergie des sphères qui vient des sphères et qui descend de plus en plus sur le plan matériel, cette condition est à la fois en dehors de la condition expérimentale de la vieille personnalité humaine, et c'est justement ce qui crée le déchirement dans l'homme. C'est pourquoi que les souffrances que l'homme de la sixième race doit vivre pour entrer, pour vivre, pour connaître la mutation et éventuellement entrer lentement vers l'éthérique ou dans l'éthérique, ces souffrances ne sont pas assujetties à la raison, parce que elles sont suffisamment en dehors des limites psychologiques de l'homme, des limites normales ou des limites normalisantes de l'homme, pour créer le déchirement entre sa vieille personnalité et sa personnalité réelle, qui n'est pas encore suffisamment stabilisée pour qu'il puisse en prendre conscience. Mais le choc de la souffrance est suffisamment grand pour laisser derrière l'homme, dans sa conscience, sa vieille personnalité, pour qu'il commence à prendre conscience de son intelligence avant de prendre conscience de sa personnalité réelle. L'homme prendra conscience de son intelligence créative avant de prendre conscience de son intelligence, de sa personnalité réelle. La personnalité réelle de l'homme, ce sera la dernière chose dont il prendra conscience, et ceci se fera lorsqu'il aura accumulé suffisamment d'énergie dans l'éther pour que s'imprime la mémoire de son corps matériel dans ce plan-là. De là, il commencera à vivre. Si nous regardons le phénomène de la micro-société, pourquoi l'homme doit-il construire une micro-société? Pourquoi moi, je perdrais de l'énergie à construire une micro-société? Pourquoi moi, je perdrais de l'énergie à m'inquiéter du sort de l'homme conscient demain? Pourquoi moi? Pourquoi moi, je ne ferais pas simplement des conférences, comme j'ai une capacité infinie de parler? Pourquoi moi, je ne ferais que ce que je fais, mais que je ne dirais pas, qu'eux autres, qui se débrouillent, quand ils comprendront, puis ils s'organiseront. Pourquoi? Parce que les lois de l'intelligence sont des lois fixées par l'intelligence. Autrement dit, les lois de l'intelligence sont des lois fixées par l'intelligence. Ce ne sont pas des lois fixées par la personnalité. Ce ne sont pas des lois fixées par l'ego. Ce ne sont pas des lois fixées par le corps de désir. Ce sont des lois fixées par l'intelligence. Et un homme qui est dans l'intelligence, qui est fusionné dans l'intelligence, il est obligé de vivre de ces lois. Et c'est pourquoi je suis obligé de créer une micro-société. Mais l'homme qui se conscientise, un jour en arrivera à être suffisamment conscient de son intelligence pour aussi réaliser l'importance d'appartenance à la micro-société. Il ne pourra pas ne pas appartenir à la micro-société parce que la micro-société fera partie de son intelligence. Et comme la micro-société fera partie de son intelligence, automatiquement, la construction de la micro-société sera en fonction de son intelligence et non en fonction de sa personnalité. Mais pour que la micro-société soit en fonction de son intelligence et non en fonction de sa personnalité, il faut qu'il ait vécu le déchirement. Autrement dit, il faut qu'il ait réalisé quelque part que ce qui est intéressant pour lui en tant qu'individu sur le plan de la personnalité n'a aucune réalité créative en fonction de son avenir. C'est dans l'intelligence que l'homme réalisera ce qui est bon pour lui. C'est dans l'intelligence, dans le temps de l'intelligence, que l'homme réalisera ce qu'il peut faire. C'est dans le temps de l'intelligence que l'homme pourra réellement voir la dimensionnalité matérielle de la micro-société et aussi entrevoir les possibilités éventuelles du développement ou de la manifestation de la société anonyme. Alors l'homme qui se conscientise au cours des années devra comprendre, réaliser que la micro-société n'est qu'un blueprint pour la construction de quelque chose autre, au lieu de réaliser que la micro-société est une chose en soi. La micro-société sera très près de la psychologie humaine. La micro-société sera très près de l'homme animal. Tandis que la société anonyme sera totalement en dehors de la conscience de l'homme animal. Et c'est là que se situe la relation entre l'homme qui se conscientise et le surhomme. L'homme qui se conscientise est aussi éloigné du surhomme que la micro-société est éloignée de la société anonyme. Alors, c'est très important pour l'homme qui se conscientise et qui œuvre ou qui œuvrera dans la micro-société ou dans le cadre de la micro-société de bien comprendre que la micro-société est un phénomène, est une phénoménalisation de l'intelligence, mais sans que l'homme ait le pouvoir de la mémoire de son corps matériel sur la Terre. Et ce sera très important pour l'homme de réaliser qu'il n'a pas la mémoire de son corps matériel dans la Terre. Autrement dit, qu'il n'a pas une personnalité réelle. Autrement dit, que sa personnalité, à l'intérieur de la phase expérimentale d'ajustement de la micro-société, est toujours en fonction d'un peu de personnalité. Et comme ce sera toujours en fonction d'un peu de personnalité, il est évident qu'il y aura, dans l'expérience des hommes qui se conscientiseront, des périodes où leur personnalité inconsciente devra s'ajuster à d'autres personnalités inconscientes. Pourquoi? Pour transmuter l'énergie émotionnelle et l'énergie mentale inférieure en énergie supérieure afin que se construise dans l'éther la mémoire du corps matériel. Lorsque nous allons à une course, nous avons en dedans de soi une sorte de mesure si nous pouvons gagner la course ou non. Certaines personnes ont une fausse mesure, certaines personnes ont une mesure plus approximative, mais c'est quand le sifflet a déchiré l'atmosphère et qu'on voit les coureurs commencer à progresser dans la course, qu'on s'aperçoit que tel bonhomme là-bas est très puissant dans la course, est beaucoup plus puissant qu'on s'imaginait. Et c'est là qu'on réalise qu'on ne peut pas gagner la course. Alors, on a l'impression qu'on peut gagner la course tant qu'on n'est pas dans la course. C'est ce qui nous motive à la course. Mais lorsque la course a commencé, c'est là qu'on voit si on est dans la course ou si on a perdu la course. La même chose se situe pour l'homme qui se conscientise. Tous les hommes qui se conscientisent ont l'impression d'être dans la course. Et c'est quand la course commence qu'ils voient s'ils sont dans la course ou non. Voilà pourquoi est important la micro-société. La micro-société, ce sera la mesure de l'homme qui est dans la course. Et les hommes qui seront dans la micro-société seront dans la course. Mais beaucoup d'hommes croient être dans la course. Moi, je ne peux pas dire tu n'es pas dans la course, tu n'es pas dans la course, tu n'es pas dans la course. Pour moi, tout le monde est dans la course. Tout le monde a accès à la course, mais pas tout le monde sera demain dans la course quand le sifflet sonne. C'est ça la micro-société. Et dans le parcours de la course, à partir de la ligne de départ jusqu'à la ligne d'arrivée, il y a une période. C'est la différence entre, c'est la distance entre la micro-société et la société anonyme. Mais ça peut durer, cette différence, une bonne génération d'hommes. 20 ans, au moins. Alors, c'est très important pour nous de comprendre le phénomène de mutation, non en fonction d'une catégorie purement spirituelle ou purement psychologique. La mutation est réellement un phénomène de séparation entre la vieille personnalité et la nouvelle. Et cette séparation, elle devient et elle doit devenir à un certain moment donné dans la vie de l'homme suffisamment claire dans son esprit pour qu'il puisse se réaliser dans la course ou non. Et je vais vous donner une mesure d'être dans la course ou non. Elle est très simple. Un homme qui vit la séparation d'une personnalité et d'une autre, un homme qui vit la scission entre son vieux et son nouveau, sait, dans la souffrance de séparation, s'il est capable de supporter la souffrance de séparation. Il le sait vibratoirement parce que cette connaissance, ce savoir, fait partie de sa conscience dans l'éther, qu'il ne peut pas reconnaître parce qu'il n'a pas la mémoire de son double, de son corps physique. Mais s'il avait la mémoire de son corps physique, il pourrait prendre conscience dans l'éther de ce qu'il est. Mais il ne peut pas prendre conscience dans l'éther de ce qu'il est tant que la scission, la séparation n'a pas été faite et que le travail de mutation n'a pas été terminé. Autrement dit, ce que je dis, c'est que les hommes, lorsque je commencerai le plan de la micro-société, probablement 84, lorsque j'aurai commencé le plan de la micro-société, les hommes, à ce moment-là, sauront par identification personnelle, par leur propre souffrance, par leur capacité de subir la transformation interne et de subir la séparation entre la vieille et la nouvelle personnalité, ils sauront s'ils sont dans la course ou s'ils ne le sont pas. Et à ce moment-là, la course ira très rapidement parce que il n'y aura plus d'obstacles à la formation de la micro-société. Et lorsque les obstacles à la formation de la micro-société seront totalement éliminés, parce que les hommes seront, le nombre d'hommes dans la course aura été établi, à ce moment-là, nous progresserons très vite dans l'évolution humaine, dans l'évolution mutative de l'homme et dans la construction du corps éthérique sur le plan matériel de l'éther. L'intelligence universelle, l'intelligence de la hiérarchie n'opère pas selon les préceptes de l'homme. L'intelligence, comme elle est très vaste, comme elle est infinie et comme elle connaît l'évolution de l'homme, elle opère totalement en dehors de certaines conditions psychologiques que l'homme peut souffrir. Par exemple, l'intelligence ne crée pas de la peine à l'homme. L'intelligence ne décourage pas l'homme. L'intelligence ne ferme pas la porte à l'homme. L'intelligence ne fait rien à l'homme pour décourager son esprit. L'intelligence ouvre toujours grand la possibilité de l'homme. Et à cause de cette façon dont opère l'intelligence universelle, il est évident éventuellement à tous les hommes, même s'ils ne sont pas dans la course, il est évident éventuellement à tous les hommes qui se conscientisent, de pouvoir sentir qu'ils sont dans la course. Et c'est à ce moment-là, c'est dans cette condition-là que les hommes, plus avancés que d'autres, peuvent appartenir et entrer dans la course. Je sais que c'est très abstrait ce que je dis, mais je mène à quelque chose. Si on demandait qu'est-ce qui fait qu'un homme peut entrer dans la course et qu'un homme ne peut pas entrer dans la course, on devrait répondre qu'il n'y a pas de limite dans la course. Tout le monde peut entrer dans la course, mais tout le monde ne peut pas entrer dans la course. Parce que tout le monde ne connaît pas la longueur de la course. Et dans les obstacles de la course, dans la course elle-même, il y aura des points où certains individus devront s'affaisser sur le bord de la route et lentement mourir, parce qu'ils n'auront plus le souffle pour les maintenir pour le restant de la course. Et c'est comme ça que l'intelligence éliminera de la course ceux qui ne peuvent pas arriver au point, autrement dit, pénétrer dans la société anonyme. Alors, il est très possible qu'au cours des années, beaucoup d'individus soient amenés à participer sur le plan matériel à la construction de la société anonyme, mais ceci n'est pas et ne sera jamais pour eux un indice qu'ils seront éventuellement dans la société, pardon, non pas la société anonyme, mais je veux dire de la société, de la micro-société, mais ceci n'est pas une indication qu'éventuellement ils seront dans la société anonyme. Et moi, je ne pourrai jamais dire si oui ou si non. Ce qui est grand de l'intelligence, c'est que l'intelligence ne révèle jamais à l'homme ses incapacités. L'intelligence ne révèle jamais à l'homme ses incapacités. Si l'homme sent ses incapacités ou a conscience un peu de ses incapacités, l'intelligence probablement ne lui répondra pas sur ceci. Parce que l'intelligence n'affaisse jamais l'esprit de l'homme. Et dans le développement de la micro-société, l'évolution extrêmement rapide que prendra cette micro-société une fois qu'elle sera lancée sera un peu la mesure de ce que les hommes peuvent faire à l'intérieur d'elle. Autrement dit, ce sera la mesure du lien qu'ils ont avec elle. Autrement dit, ce sera la mesure de leur intelligence. Autrement dit, ce sera la mesure de la séparation de leur vieille personnalité avec la nouvelle. Et je sais très bien qu'un homme qui est dans la course, un homme qui est dans la micro-société et qui va vers la société anonyme, un tel homme n'a pas dans son esprit le moindre doute de l'intelligence de son appartenance à la micro-société. Mais si un homme a le moindre doute dans son intelligence de son appartenance à la micro-société, sur le plan du fait et non pas sur le plan du désir, à ce moment-là, il doit attendre un certain temps, un certain moment avant de pouvoir y appartenir. La micro-société ne peut pas se construire par dévotion. Ce n'est pas un système dévotionnel. C'est un système intelligent, ça. Pourquoi nous l'appelons pi? Parce que nous parlons du pouvoir de l'intelligence sur l'économie. Autrement dit, nous parlons du pouvoir de l'intelligence sur la dimension matérielle de l'homme. Or, le pouvoir de l'intelligence sur le plan matériel de l'homme, c'est le pouvoir de l'intelligence sur le plan matériel de l'homme. Autrement dit, c'est l'exécution parfaite des destinées de l'humanité, de la sixième race embryonnaire, en fonction des lois hiérarchiques qui sont passées, canalisées à travers l'homme pour le bénéfice matériel afin qu'il puisse éventuellement passer d'un plan à un autre, autrement dit, de structurer sur le plan éthérique la mémoire de son corps matériel. La psychologie, notre psychologie humaine aujourd'hui, elle est totalement réflexive. Elle devient de moins en moins réflexive. Mais vous remarquerez que plus nous avançons et plus nous perdons de la réflexion, plus nous avons l'impression de perdre de la réflexion. Vous remarquerez qu'il se produit dans notre vie des événements qui nous font réaliser qu'il y a en nous de la réflexion. Parce que certains événements que nous n'étions pas disposés à connaître d'avance nous donnent la mesure de la réflexion qui existe en nous. Et c'est cette mesure de réflexion qui existe en nous qui est la mesure du manque de mémoire de notre corps physique dans l'éther. C'est la mesure de notre distance avec la conscience éthérique. Quand je parle d'être mental, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire être dans cet état d'esprit où aucun trouble ne peut être créé par notre émotivité ou nos pensées dans l'esprit éthérique de l'homme dont il n'a pas conscience au niveau de sa forme matérielle. La mesure de la quantité de mémoire de notre corps matériel dans l'éther. Autrement dit, c'est la mesure de notre distance avec l'éther. Et la réalité de la mesure de notre corps matériel dans l'éther, elle est beaucoup plus extraordinaire que nous ne pouvons nous l'imaginer. Nous pouvons facilement nous imaginer la réalité astrale, la réalité du rêve, mais la réalité de l'éther est beaucoup plus grande. L'homme vit énormément au niveau de sa conscience astrale pour deux raisons. Parce qu'il ne vit pas énormément au niveau de sa conscience éthérique. L'homme vit énormément au niveau de sa conscience émotive pour deux raisons. Parce qu'il n'a pas conscience de son esprit. Il a simplement conscience de quelque chose en lui qui fonctionne, qui est. L'homme a conscience de quelque chose en lui qui est, mais il n'a pas conscience de que son esprit. Et l'homme un jour doit avoir conscience de son esprit. Autrement dit, l'homme un jour doit dépasser le stage d'être, le stage d'être-té. Parce que le stage d'être-té, c'est la condition permanente du périsprit dans l'homme. C'est la condition permanente du périsprit en l'homme qui lui donne l'impression d'être qualifier cet être-té, elle soit heureuse ou malheureuse, bien ou pas bien. Mais l'esprit n'est ni bien ni pas bien. Il est au-dessus de l'être-té. C'est la conscience éthérique de l'homme.